Et toi qui repars de là-bas, là-bas où danse ta terre, là-bas où te pleurent tes frères, là-bas où on ne veut qu'un. Reviens si tu peux attendre. Perdu. Ah.